Le comité préparatoire luxembourgeois pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de Seine 2017 vient d'être constitué. Ils sont élus Robert Medelnachi comme président, Max Peller vice-président et Charles Doerner, secrétaire général du comité préparatoire.